Je vous souhaite un très bel après-midi. Il se poursuit dès maintenant et jusqu'à 14h avec Histoire Vivante. Vacarme avec le Festival international du film de Genève du 2 au 10 novembre. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire Vivante. Cette semaine, du cinéphile au documentariste. Rencontre avec William Carell. Putting a man on the moon as part of a great national effort. Captain America, je suis très flatté que vous ayez pensé à moi. Nous sommes déterminés à reprendre notre pays. Nous allons remplir la promesse de Donald Trump. Les citoyens américains se préparent à accueillir leur nouveau président. Then it's time for new leadership for the United States of America. Et à votre gauche, voici maintenant les fameux bâtiments de Watergate. Il est vrai qu'il n'y a pas grand-chose en jeu, excepté le premier amendement de la Constitution, les droits de l'homme, la liberté de la presse et peut-être même l'avenir des États-Unis. Et soudain, tous ces poids lourds de la politique se sont télescopés, comme des trains qui se percutent à toute vitesse. This is America, and we will not allow any terrorist to threaten civilization with weapons of mass murder. William Carell, on a passé une semaine ensemble, on va passer un dernier jour, et on le passe dans un endroit où le son, les auditeurs, ils seront sans doute sensibles, est quelque peu différent des jours précédents. On est où? Ici, dans la salle de montage du côté de Vanves. C'est un lieu où vous avez coutume de travailler? Ici, absolument tous les derniers films, y compris les 8 heures sur jusqu'au dernier, je les ai faits ici. C'est à 5 minutes de chez moi, en voiture. Et c'est très agréable, en plus c'est très calme parce que ça donne, la salle de montage donne sur le plus grand cimetière du sud de Paris. Et donc c'est d'un calme absolu. Oui, vous n'êtes pas dérangé par les voisins donc. Vous avez coutume de dire, vous me l'avez dit puis je vous l'ai entendu dire à d'autres, que vous faites toujours le même film. Et du coup, je pense que c'est évidemment... une litote dans votre bouche, mais du coup, moi j'aimerais bien vous entendre, si vous acceptez, sur comment vous travaillez. Est-ce que vous travaillez finalement, si vous faites toujours le même film, ce qui n'est pas vrai, toujours de la même façon? Même façon, c'est ça. Ouais. Pas le même film, mais la façon de travailler. Ce qui m'intéresse, c'est de choisir des témoins, de m'asseoir en face d'eux et de leur de poser des questions. Ensuite d'alterner. S'il y a plusieurs témoins, c'est de croiser les récits, ensuite de mélanger avec des archives. C'est pour ça que tous les films se ressemblent. Mais je reconnais que même à Arte et partout, mes films sont considérés comme vieillots, entre guillemets. C'est des colles anciennes. Je ne mets rien. Quand il y a un fondu enchaîné, c'est déjà des effets spéciaux. C'est de raconter le plus simplement une histoire avec le moins de commentaires possible. Le moins de commentaires possible? Oui. Pourquoi? Parce que je pense que si on arrive à le faire sans, juste, le commentaire peut donner deux ou trois dates précises mais de raconter, je trouve pas intéressant. Le dernier film qu'on a fait avec Blanchfinger sur les écrivains israéliens, qui durait une heure, il n'y a pas un mot de commentaire, c'est 10 écrivains qui parlent, et c'est très bien. Mais précisément, quand vous dites que vous travaillez de la même manière, vous prenez, je sais pas, deux, trois sujets qui seraient soit les écrivains, soit la destruction des Juifs d'Europe à partir de l'ouvrage majeur de Raoul Hilberg, ou d'autres sujets qui sont de nature tellement différente. Comment vous vous immergez, vous absorbez des lectures et des lectures jusqu'à plus soif? Et puis vous laissez décanter ou... Normalement, oui, toute la première partie, c'est uniquement des lectures comme ce film que je fais sur les Juifs de Roumanie, où je connaissais strictement rien. L'avantage avec une chaîne de télévision, c'est qu'il vous donne 2 mois pour préparer. En 2 mois, vous avez le temps de lire et d'absorber, pas tout, mais toute l'histoire. Quand j'ai fait le film sur le FMI, j'étais, comme disait Woody Allen, incapable d'échanger un billet de 10 francs contre 2 pièces de 5. Je ne connaissais strictement rien en économie. Je suis reparti de zéro. C'est ça l'avantage. Moi, j'aime bien qu'on me donne un sujet que je n'ai jamais abordé ou je connais rien. Oui, ça passe par l'idée qu'on vous propose, en fait, le sujet. Je pense, sincèrement, si on disait que j'ai fait 30 ou 40 films, je pense 99% ont été proposés par les chaînes. Que ce soit sur Margaret Thatcher, sur Jean-Marie Le Pen, sur tous les films que j'ai fait récemment. Salman Rushdie, c'est la seule exception, parce qu'on voulait faire un film pour l'anniversaire de l'arrivée de Khomeini, et on a trouvé que c'était plus intéressant de le faire sur Salman Rushdie. Mais tous les sujets d'Arte que j'ai fait m'ont été proposés par eux, que ce soit le FMI et tous les autres. Est-ce parce que, à quelques reprises, vous avez proposé des sujets et qu'on vous a dit non merci, passez votre chemin, que c'est, ça s'est finalement construit comme ça? Non, moi je préfère qu'on propose un sujet si différent des autres précédents, si c'est possible, mais donc un sujet qui m'échappe complètement et où je suis certain de ne pas être... Je ne connais absolument pas, de découvrir, plutôt que de refaire sans arrêt le même film. Ce film sur les Juifs de Roumanie. Pitchez-le rapidement, parce que... C'est-à-dire, c'est le premier pogrom, avant même que, qu'est la conférence de Wannsee, et la, à la veille de la guerre, ouais. En 41. 41. Il y a, en Roumanie, il y a, la population décide de faire un pogrom où il y a 15 000 Juifs d'un village qui sont tous tués. Et quand on a fait des précédents films, j'avais fait déjà il y a 20 ans le film qui s'appelait Contre l'oubli sur l'extermination des Juifs, j'avais fait une petite partie de 5 minutes sur le truc, mais je trouvais que c'est insultant même pour eux de bâcler cette histoire. Quand on a fait jusqu'au dernier, on avait 8 heures, on n'a pas trouvé la place, il faut au moins une heure pour raconter cette histoire, parce qu'elle est complètement... Donc il restait... peut-être 7-8 témoins vivants aujourd'hui, dont le plus jeune a 90 ans. On est allé les retrouver un peu partout pour qu'ils nous racontent à la première personne. Justement, comme vous prononcez le mot de témoin et que jusqu'à présent, on a parlé dans votre méthode de travail, William Carrel, d'ouvrage principalement, quand il s'agit d'aller vers les témoins, vous travaillez en petite équipe avec des gens dont vous savez pertinemment que si vous les envoyez quelque part, ils trouveront la perle, si j'ose dire. Pour choisir un témoin, ouais. Pour les retrouver. Non, j'ai travaillé un moment avec Jean-Marie Colombani du Monde, parce que quand on envoyait du papier en tête du Monde, ça, c'était assez impressionnant. Ça donnait un côté sérieux. Mais sinon, les témoins, non, je les cherche comme ça. On arrive à des quand on fait un sujet comme la CIA ou le FBI, où on sait qu'on a besoin de 20 témoins. Il suffit de convaincre un ou deux, et à ce moment-là, si ça s'est bien passé, il donnera un coup de fil au suivant, et puis on nous a jamais pris au sérieux, parce qu'on vient à deux, avec, comme vous, une petite caméra, et pas... Tous les témoins qu'on a rencontrés nous disent qu'ils sont effrayés quand, par exemple, CNN ou NBC débarquent, avec des câbles dans les escaliers et toute une équipe. Nous, on arrive, personne ne nous prend au sérieux. Si vous avez vu dans Opération Lune, on tourne toujours avant de commencer les entretiens, tous les moments où ils boivent un verre et rigolent entre eux et tout ça, ils ne l'auraient jamais fait avec eux. Ils le font parce que ils nous prennent jamais au sérieux. Un, ils ne connaissent pas Arte, ils pensent même pas que c'est une télé qui existe. Et deux, on n'est pas sérieux pour eux, on vient s'amuser. Mais là, il s'agit de gens qui ont pignon sur rue et dont on peut facilement, si on a le button Washington sur la table de chevet, arriver à trouver les coordonnées. Mais quand vous citez, par exemple, ce témoin encore survivant de 90 ans sur le drame roumain, là, pour aller le dénicher... Oui, c'est pas moi. Moi, j'ai rien. C'est un... Le film, c'est fait comme ça. C'est quelqu'un dont la famille a été tuée, qui a une cinquantaine d'années, qui s'appelle Nelou, qui voulait faire depuis des années un film sur cette histoire, qui a proposé à plusieurs chaînes, comme il était absolument inconnu et qu'il n'avait jamais réalisé, je l'ai rencontré, on l'a proposé à la chaîne, et la chaîne a marché parce que il me connaissait. Mais lui connaissait les derniers témoins, et c'est son histoire, je vais pas le trahir. William Carrel, on a l'habitude de voir dans vos films, effectivement, à l'ancienne, cette succession de témoins, par exemple une vingtaine, qui viennent, par petites phrases, faire le narratif d'une histoire, d'une crise, ou qu'importe. Et puis je me disais, il y a à la fois quelque chose qui doit être très excitant que de faire ce bout à bout, et puis il doit y avoir aussi un côté parfois frustrant, parce que les entretiens de longue durée qui contiennent des silences... Enfin, toutes sortes de surprises, cela, vous vous en privez d'une certaine manière en choisissant de faire ce type de montage. Exactement, c'est de la frustration majeure, c'est de se retrouver après, avant de préparer un film de 52 minutes avec 7h, 9h d'entretien, en sachant que ça va être un massacre. J'avais eu l'expérience sur Philippe Roth où on ne devait pas dépasser 52 minutes, où on l'a rencontré deux fois 6 jours et on a fait 12 heures d'entretien. Aller réduire en 50 minutes, ça c'est un massacre pur. Que sont devenus les restes, si j'ose dire, si les j'ose les appeler sont, ainsi? Les restes sont à la maison de production. Comme ils ne voulaient pas les mettre sur Internet, parce que si on les sous-titre, ça coûte beaucoup d'argent. Et de les mettre en anglais, apparemment, ça se fait pas. Autre question sur votre travail, William Carrel. Comment vous questionnez? Parce que, étant donné que moi, une partie de mon travail consiste à poser des questions, je me suis beaucoup interrogé sur comment on questionne. J'ai essayé d'améliorer un peu mes questions, parce que ça, au départ, on pose des questions très longues, puis après, bon. Toujours. Hein. Ou même la quantité. Moi, j'arrive toujours sur un entretien. On sait que ça va durer entre une heure et demie. J'arrive avec une liste de 100 questions. J'ai jamais dépassé la 20e. C'est déjà un maximum. Des questions. Pour moi, le plus court possible, la question la plus, un mot ou deux mots, ça doit pouvoir suffire. Parce que la plupart des gens veulent montrer qu'ils dominent tellement bien le sujet, qu'ils récitent ce qu'ils voudraient que l'autre dise. D'arriver comme un crétin parfait en disant que je ne connais strictement rien, et poser les questions les plus courtes possibles et ne jamais interrompre et tout ça, moi, c'est la façon de travailler. On doit comprendre que même si ces questions-là, auparavant, avant d'entrer, vous les avez écrites, vous ne les lisez évidemment pas pendant l'entretien. Non, pas du tout. Normalement, j'ai une feuille de papier où il y a un, si je les connais bien les questions, pour que je n'ai pas un trou de mémoire, il y a un bout de papier avec, disons, il y a écrit chapeau, auto, pour savoir que j'oublie pas surtout la question, disons, sur, quand c'est la CIA, c'est Alien Day, tout ça. C'est ça qui était étonnant, dans la joie dans ce métier, je reprends juste la CIA, que vous ayez quelqu'un qui vous dit, je suis arrivé au bureau et Nixon m'a mis un mot en me disant que vous allez me débarrasser d'Alien Day et tout ça. C'est en une phrase, en 30 secondes. C'est fabuleux quand vous avez une révélation pareille. Donc, pour vous, si on comprend bien, ça veut dire que avant qu'on ne vous le dise, l'entretien n'est pas du tout là-dessus. Et puis là, faut faire un choix. C'est soit on met le clignotant et puis on suit le véhicule. On va parler d'Alien Day alors que c'était pas forcément prévu. Oui. C'est comme ça. C'est oui. Sur le terrain, quoi. Absolument. Même en sachant qu'il y a 9 chances sur 10 pour que ça ne soit pas dans le film final. Si c'est un film 50 de la CIA, c'était spécial, il durait 3 heures. Mais sur l'ensemble, tous ces films, les 3 heures de la CIA, les 3 heures sur les hommes de la Maison Blanche, les conseillers du président, Obama, le monde selon Bush, tous ces films-là, ça fait finalement, j'avais fait un Kennedy pour la 3, Hillary Clinton le dernier, Trump, ça fait un ensemble sur les États-Unis. Je les ai pas vus, mais j'imagine qu'ensemble, ils donnent une assez belle idée. Ça doit faire 12 heures. Et du coup, là, il s'agit peut-être d'une douzaine de films sur un sujet, disons, commun, mais c'est 12 fois 52, alors que, en réalité, c'est 12 fois peut-être 100 heures. Ou... Bien sûr, et d'entretien et tout. Et sur vous, le pouvoir. Vous n'avez jamais été tenté d'essayer de rassembler ça? C'est peut-être un peu désespérant parce que c'est éparpillé. Très éparpillé. Regardez, je voulais sortir. Pour Noël, il sort toujours des petits coffrets de DVD. J'ai essayé de regrouper. Je voulais faire un film sur la prise du pouvoir. Je voulais mettre le film que j'ai fait sur Mitterrand, sur Sarkozy, Margaret Thatcher, Bush. Faire une thématique. Voilà, 7 films sur le pouvoir. Comme c'était chez des chaînes et des producteurs éparpillés, j'ai jamais pu les rassembler. Arte a essayé, mais ils n'ont pas réussi. Pourtant, c'était intéressant d'avoir 7 films sur le pouvoir politique. William Carrel, je reviens à la question de départ. Vous dites que vous faites le même film. Et à l'évidence, on voit jamais le même film. Alors, on a compris que c'était sur la manière de travailler. Mais est-ce que vous diriez que vous avez évolué, qu'à mesure que vous avancez dans le travail, il y a quelque chose qui vous fait vous éloigner du point du début? Rester à la fois fidèle, mais en même temps améliorer, si j'ose dire, ou je sais pas quel mot utiliser. Non, sans que ça soit une fausse coquetterie. Dans un festival ou à la télévision, n'importe quoi, je vois un film que j'ai fait il y a 10 ans ou il y a 15 ans, je trouve nettement supérieur à ce que je fais aujourd'hui. Donc ça va à l'encontre de ce que vous dites. Supérieur sur quel point? C'est-à-dire qu'il y avait une fraîcheur, un enthousiasme de... Forcément, ça ronronne, où il y a comme une sorte de routine qui s'installe. Est-ce aussi parce que la parole du politique a changé? Complètement. En France aussi, tout le monde a arrêté de... Bien sûr, personne ne... Les gens ne parlent pas. L'époque où je vous disais, quelqu'un vous dit, on m'a mis un post-it en disant que c'est allié, que il faut liquider Allende ou tout le reste, c'est archi fini, il n'y a plus rien. Des fois, on passe des heures avec des hommes politiques. J'ai des amis qui ont essayé de faire des films. Vous n'obtenez plus rien. C'est de la langue de bois générale. Est-ce que vous êtes du genre à expérimenter? Alors oui, Opération Lune, ça tient vraiment l'expérience. Oui, qu'on n'a pas recommencé, mais oui. Oui, c'était une expérience qui venait pas de moi non plus. C'était une commande d'un d'Arte, disant, trouvons un film où... Mais expérimenter, par exemple, en pensant parfois, si les images ne sont pas là, faire appel à l'animation, ou expérimenter la forme. Non, pas du tout. Quand les images sont pas là, je refuse toujours de, non seulement de mettre de l'animation, des fois quand il me manque des trucs, il y a beaucoup de gens qui font ce qu'ils appellent des petits bouts de fiction qu'on met, vous avez une voiture qui passe, ou un truc, je ne mets rien. Alors, il y a un cas d'école, en ce moment, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, peut-être n'avez-vous pas vu le film, il s'agit du procès Mandela, on le sait qu'il n'a pas été filmé, parce qu'il était interdit de le filmer, mais oui. Il a été enregistré, donc il y a un document audio, et c'est à partir de ce document audio que le réalisateur a choisi de bâtir son projet, en ayant recours évidemment, notamment à l'animation. Mais en gardant la bande son originale. En gardant la bande son originale. Donc il y a quelque chose qui est de l'origine. Oui. Sauf que c'est l'image manquante. Oui, non, moi j'ai rien contre, au contraire, j'adore. Vous auriez un truc comme ça à faire ou... Moi je l'aurais pas fait, mais je serais... Vous l'auriez pas fait? Parce que je sais pas le faire. Mais tous les films de l'animation politique et tout ça, le Vals avec Bachir et tout ça, c'était vraiment bien. Et il y a de plus en plus d'animation dans les documentaires. Il y a des gens extrêmement doués. Mais moi, je ne sais pas le faire. T'as envie d'apprendre? Maintenant. Oui, tout de suite. On dirait ma fille qui dit, je voudrais faire une maison de production pour produire mes films à mon âge, comme s'il m'en restait à faire. Alors, dans un monde idéal, William Carell, il y a encore la commande que secrètement, immodestement, vous taisez à tous ceux que vous pouvez rencontrer, aux responsables de chaîne, mais que vous rêvez secrètement qu'on vous confie un jour, et dont vous allez pouvoir nous parler librement maintenant. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on vous a encore jamais proposé et que vous ne détesteriez pas? Comme documentaire? Oui, comme projet. Projet, disons, peut-être au sens plus large. Non, j'aurais bien aimé être dans une chaîne, si j'arrêtais de réaliser, d'être dans une chaîne, pas à la direction, mais au moment adjoint au documentaire, quand on rentre dans un endroit comme Arte, et choisir, accepter des idées documentaires, en proposer à d'autres jeunes réalisateurs. Une bonne politique de programme, pour vous, elle est quoi? Diverse? Va chercher les nouveautés, essaye de voir un peu les tendances du moment, tout en ne sacrifiant pas les vieilles valeurs, essayer de faire un pont entre ce qui a existé avant et... Je crois, c'est ce que fait Arte, c'est de... Il y a tout le département où dont je ne bouge pas, ce qui est l'histoire, mais il y a plein de sujets d'actualité sur aujourd'hui. Avant-hier, il y avait sur les massacres des rhinocéros, sur le réchauffement climatique, sur tous les... Je trouve ça extrêmement varié. En même temps, il existe un grand absent, je trouve, dans le documentaire, qui, dans le cinéma, a tout à fait sa légitimité. On va chercher des films cultes, des films des années 30, 40, 50, que sais-je. Et on les présente souvent et ils font aussi l'objet de ressorties en salle. Concernant le documentaire, on a l'impression qu'à partir du moment où ça a été fait, c'est plus la peine d'en reparler. Exactement. Or, depuis Flaherty, il y aurait de quoi certainement revoir, aussi bien des documentaires qui ont été oscarisés en leur temps ou autres, revoir des objets. Ça semble pas être dans la culture du documentaire. C'est ce qui me rend fou, cette histoire. On peut jamais revoir. Vous pouvez aller consulter, si vous êtes professionnel, sur les sites de l'INA ou demander un DVD à Arte, mais tous les films ne sont plus, remontez-vous beaucoup plus loin. On ne les voit nulle part, jamais. De temps en temps, je crois qu'à Locarno ou à Berlin, j'ai vu une rétrospective documentaire. Mais sinon, la télé préfère rediffuser des films sans intérêt de vieux de 2 ou 3 ans plutôt que de diffuser le patrimoine. Il n'y a personne. Personne ne le fait. Même Arte pourrait le faire, mais ils ne le font pas. Un travail historique comme celui-là, il vous intéresserait ? Retrouver, finalement, retravailler l'histoire du documentaire ? Oui, beaucoup. Ouais. Vous me proposez le pas. Oui, mais je vais d'abord couper le micro avant de faire une proposition plus sérieuse. Dieu créa le monde en 6 jours. Et le 7e, Stanley Kubrick lui renvoya le tout pour modification, écrivit un critique. Depuis 25 ans, tous les critiques se posaient la même question à propos des images époustouflantes de Barry Lyndon. Pour quelles raisons les responsables de la NASA et Wernher von Braun, le père de la conquête spatiale, avaient accepté de prêter à Stanley Kubrick pour le tournage d'un film leur fameuse caméra, celle qui possède cet objectif mythique dont il n'existe qu'un seul exemplaire au monde. Cette lentille unique d'une valeur de plusieurs millions de dollars, la seule à pouvoir filmer les satellites espions dans le noir absolu, était jalousement gardée au secret depuis sa mise au point. Le 1er janvier 2001, Christian Kubrick procéda à l'ouverture des archives du réalisateur disparu. Elle y découvrit, enfoui sous la montagne de documents, un curieux dossier frappé du sigle de la Maison Blanche classé « Top secret » et la réponse à ses interrogations. Bon, alors le prochain film, prochain documentaire qu'on va voir de vous n'est pas tout jeune, c'est Opération Lune, de mémoire 2003-2004. Vous en avez parlé longuement à Frédéric Pfeiffer, qui inaugure sur le site d'Histoire Vivante une nouvelle formule. Vous avez répondu avec l'image, là on n'a pas l'image, mais c'est tout à fait aussi bien. Vous avez à peu près tout dit sur Opération Lune, mais vous avez quand même lancé là, en me répondant... Bon, c'est le dernier, j'y retouche pas. Vous expliquez pourquoi, Frédéric Pfeiffer, en disant bon, ce genre de choses, on peut s'amuser une fois, mais enfin, vaut mieux éviter de reprendre des risques, ça peut rapidement déraper. Un peu à cause du public. Ça n'a jamais été prévu que les gens naïvement marchent dans cette histoire. C'est la question la plus simple qu'on se posait, puisque les gens y croyaient. Sincèrement, si vous pensez que les conseillers de Nixon avaient décidé de raconter que tout était faux, qu'ils avaient monté, ils seraient venus voir Arte, si vous voulez, ou au lieu d'aller voir CBS ou NBC ou raconter un scoop, ils seraient venus voir. Les gens sont naïfs, donc on doit payer ça aussi. Oui, mais comment dire, limer un peu ou gommer cette naïveté, sans doute faut-il remettre l'objet sur l'ouvrage sur le métier, non ? Oui, mais nous, on fera pas un autre faux. Surtout que maintenant, ça se verra tout de suite. Parce qu'il y a tous les fake news et tout ça. On était en avance, comme Salman Rushdie dit qu'à l'époque on lui disait les vers sataniques, c'était prémonitoire. Il dit que c'était prémonitoire, il suffisait d'ouvrir les yeux, c'était sous son nez, les gens n'ont pas voulu voir. Quand vous dites ça, vous avez le sentiment, au moment où vous construisez Opération Lune, qu'il y a un truc dans l'air, les gens absorbent n'importe quoi, avalent, ça doit pas dire de gober n'importe quoi, depuis l'histoire de la propagande qui remonte pas quand même à lundi dernier. Au moment où on l'a décidé, il y avait eu 4 ou 5 histoires qui étaient le massacre de Timișoara, les faux carnets d'Hitler et d'autres faits. Donc c'est pour ça que Arte s'est un peu alarmé en disant il faut qu'on fasse quelque chose. Je lui ai dit à Monsieur Nixon, c'est très dangereux aux États-Unis de mentir. On peut pas montrer une supercherie comme ça dans une démocratie. Trop de gens parleraient. C'est vrai, c'est grotesque. Alors il a dit presque tristement, allez-y quand même. William Carrel, il y a quelque chose dont vous parlez pas beaucoup, c'est la technique. Vous dites, vous faites le même film. Est-ce que vous êtes peu ou prou avec les mêmes outils techniques, avec les mêmes techniciens, ou sinon avec des dispositifs communs? Comment vous approchez ça? Est-ce que vous accordez de l'importance à la technique? Aucune, malheureusement. À la technique? Ouais. Non. Quand j'ai commencé, j'avais décidé de choisir donc de faire un film. J'ai filmé pendant 4 ou 5 ans. Je ne mixais pas parce que je n'avais pas à le faire, mais j'enregistrais, j'écrivais le commentaire, j'enregistrais avec ma voix. Et après, j'ai commencé malheureusement à déléguer, je ne dis pas malheureusement, à déléguer. Donc je me suis séparé, je ne filmais plus, je ne disais plus mes commentaires, tout ça, mais au départ... Surtout que vous venez de la photo? Oui. Donc moi, je suppose que vous aimez l'image? Bien sûr que j'aime l'image, mais je l'aimais bien quand je filmais aussi. Vous aimez autant celle des autres que les vôtres? Vous êtes directif ou pas? Aucun. Du tout? Malheureusement pas. C'est un défaut. Quand j'ai fait la seule fiction que j'ai fait, Poison d'Avril, je l'ai entièrement plantée parce que quand les comédiens comme Anne Brochet arrivaient le matin en disant « Je suis désolé, j'ai pas appris mon texte » et qu'on savait qu'on allait perdre une journée, je disais « Mais ça n'a strictement aucune importance alors quelqu'un de normal aurait mis le feu au plateau ou l'aurait étranglé. » Moi, je ne suis pas du tout directif. On parlait tout à l'heure des sujets à venir. Je suis malade de tous les sujets qui me passent sous le nez. Et hier est venu ici Karen Mikhaïl, qui s'occupe de la littérature sur Arte. Elle lance une série de 12, les 12 livres du siècle, enfin les plus importants. Donc Anna Karenine, À la recherche du temps perdu, 1984, toute une série de films. Et donc Livres. De livres. De livres. Pour qu'on en choisisse un. Et j'en étais malade, je voulais les... Faire les 12. Je trouvais anormal qu'il y en ait 11 qui me passent sous le nez. So, when I got to the cafeteria, that asshole tells me, you got 2 side orders. I gotta charge you 2 extra bucks for a handful of beans. Can you believe it? How about that? Bon alors, vous aimez mieux... vos films dire que ceux d'aujourd'hui, peut-être, encore que... Faut toujours... Non, oui, pardon, je me suis mal exprimé, hein? Mais je l'ai trouvé intéressant il y a 10 ou 15 ans. Ouais. Opération Lune, vous recommandez d'aller revoir encore? Ça vaut le coup? Surtout que je suis obligé de le revoir au moins une fois tous les 6 mois, puisque là, je vais retourner à Zurich, et en plus... Oui, alors dites-nous un petit peu, il va se passer quoi, oui, à Zurich? Je vois dimanche la personne à Paris qui m'a donné rendez-vous dans un restaurant... Pour l'installation. Alors c'est quoi? Dites-nous en je plus. Je sais pas. On va aller voir peut-être. Oui, mais moi j'en sais rien. C'est elle qui m'a dit on vous considère comme un artiste contemporain. C'est au musée d'art contemporain. Ça me fait rire. Et donc on va diffuser votre documentaire. En boucle, tout le temps dans une salle. Comme ceux qui appellent une installation, je sais pas quoi. Ouais. Bon bah, écoutez, on va vous dire vous désormais encore un peu plus. On vous remercie de nous avoir accueillis, puis on vous laisse continuer ce prochain-là. Il s'appellera comment, ce prochain documentaire? La mort en face. La mort en face. Le film sur Rushdie s'appelle La mort aux trousses. Bon travail, à bientôt. Merci. Dimanche soir, rendez-vous avec Opération Lune, un documentaire de William Carell. Enfin, sur le site d'Histoire Vivante, découvrez l'entretien réalisé par Frédéric Pfeiffer auprès de William Carell et quelques anecdotes supplémentaires sur le film Opération Lune, à voir dimanche prochain sur RTS2. We'll be right back.